Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le docteur Disco. On va commencer par la découverte du jour avec Brenda Taylor et son titre « You can have your cake and eat it too », sorti en 1982. C'est une chanteuse américaine de disco funk originaire de New York et j'ai pas trouvé grand-chose sur elle, mis à part ça, mais alors je peux pas du tout résister à l'envie de vous faire écouter son titre. Allez, c'est parti! Thank you. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Pour nos rubriques, notre rubrique des 100 hits, attardons-nous aujourd'hui sur le groupe Change. C'est véritablement avec l'album The Glow of Love qu'est créé le son propre à ce groupe. Change, c'est l'association de musiciens italiens de studio et de chanteurs et choristes, maîtrisant les registres gospel, soul, funk et disco à la perfection. Alors dans cet album, ils font appel à deux de ses plus grandes voix, j'ai nommé Jocelyn Brown et Luther Vandross. L'album est largement inspiré de Chic, dont ils essaient de reproduire le son, mais sans tomber dans la copie. The Glow of Love est un groove disco-funk à la Chic, avec une ligne de basse solide, une guitare rythmique, du piano et aussi des claviers. Luther chante la lueur de l'amour, avec un grain soul et une émotion bien à lui. Le débit des mots est rapide, mais il les pose avec éloquence et décontraction. Alors puis il est rejoint par les chœurs féminins et les violons. Ce hit est autant celui de Change que de Luther Vandross, et beaucoup le découvrent, Luther Vandross bien sûr, avec cette chanson. Après, il va triompher avec Never Too Much. La carrière de Change est lancée. Alors, c'était en 1980 et ça donnait ça. Treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Smiling faces going places. It's a wonder. Clear by a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our affair, talking in the glow. Yeah. Never lonely with you, only time will always be our friend. Reaching far to find a star, our destiny is heaven sent. Making known this loving tone, we'll never part the two of us. We will always reminisce, kissing in the glow. When you treasure all that's new and true and gay. Easy living when we're given what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Alors pour la reprise du mois, un grand classique de la chanson française avec La Mer, qui à l'origine est interprétée et composée aussi par Charles Trenet. En 1985, sur l'album 20 sur 20, George Benson sort Beyond the Sea. Évidemment, une reprise qui me plaît bien et que j'ai envie de partager avec vous. C'est pas encore les vacances, mais ça va vous permettre d'oublier un peu la grisaille ambiante. Direction la mer. Somewhere beyond the sea. Somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Hey! Sailing. And never again I will Alors, qui la connaissait celle-là? Je vois pas beaucoup de doigts se lever. Hein. Bon, c'est pas grave, le but c'est de faire découvrir aussi des choses. Alors, le maxi du jour, il approche à grands pas. On va se prendre une petite tranche de Dan Hartman. Son titre, We Light My Fire, est sorti en 1979. C'est un extrait de l'album éponyme, We Light My Fire. Le titre fut repris en 1993 par le groupe Texat et en 2003 par Ricky Martin. Bon, ils atteindront jamais le succès de l'original, bien sûr. On s'en paye une tranche ? Un bon petit titre qui bouge bien. Hein. Alors maintenant, on arrive à la fin de notre émission et ça va être l'heure de la pipite. Aujourd'hui, Electric Light Orchestra et son titre Shine a Little Love. Alors cet extrait de l'album Discovery, le titre il va sortir en 1979 et se classer 4e au Canada et 6e en Angleterre. Cela restera avec Last Train to London, l'une de leurs chansons les plus connues. Alors le titre, pour l'anecdote, il a eu droit à deux clips vidéo différents. Me demandez pas pourquoi, c'était peut-être les pratiques à l'époque. Il va être repris en 2005 par le groupe Love Franks. Alors le 45 tours de l'époque sera disque d'argent. Allez, c'est parti. I guess you had to wait, yeah. You see, I've gotta make you understand. I know it sounds a foolish thing to say, but it don't matter, baby, 'cause today's another day. You shined a light on my life. You shined a light on my life. You shined a light. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis bonne soirée, bon week-end et à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye!